rider, fais des billets, fais tes projets, signe tes cachets. Elle veut rider, cabrioler, elle veut te buter pour ta monnaie. Hein. Première latte là, j'ai décollé. Hein. Dans ce business, faut pas déconner. Hein. J'suis génie, sans gêne. Il faut frotter la lampe génie. J'ai senti la merde, tous les falla bancaires, je les dénigre. Cipline dans une pinte à bière, mélange grossier comme pentagone. Pressé, je m'en fous, je suis pas écho, ça résonne dans tout l'hexagone. Hein, on se trimballe pas tous les faibles. Hein, pose pas de questions, on va te le vendeur. Hein, pas de merde, pas de deuil. Pour la récompense, fais le puzzle. Il veut une meuf, il veut une dot. Elle veut te maquiller, c'est une dot. J'arrive pas, faut que j'arrête ma fin quand j'y irai. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, la pharmacie direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, la pharmacie direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, la pharmacie direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. Il piano di un palazzo e mi fumo un chilo. Mischio soda, succo dentro, parlo e non perdo il filo. Non parliamo il cellulare, tu portati dal vivo. La mia aura è così forte, socio, serve un antidepressivo. Solo un rapper a tempo pieno. Tu cambia passatempo. Manco vai a tempo, parole al vento. Scusa, dove sta il talento? Determinato come il giorno uno. Sopra il tempo non ci sta nessuno. A questi rapper mando a fanculo. Fanculo, fanculo, fanculo. J'arrive pas, faut que j'arrête, la fin, moi j'y irai. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, la fin, moi j'y irai. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, la pharmacie direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, la pharmacie direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, la pharmacie direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, j'enroule un mot direct. J'arrive pas, faut que j'arrête, la pharmacie direct.